tu as trouvé effrayante? Est-ce que tu as peur d'une baleine? Non, j'ai peur d'une baleine dans un livre qui renverse un bateau. Oui, alors c'est Moby Dick. C'est beaucoup plus fort qu'un bateau en fait. C'est ching et après il renverse le bateau. Alors, les baleines qui renversent des bateaux comme celui-ci, j'en connais pas. Hein, puisque du coup c'est un bateau qui est quand même assez gros. Il faut que vous imaginiez que le bateau que vous avez ici était aussi grand que là, du moins le bâtiment qui est derrière chez nous là. On a un bâtiment avec 3 ou 4 étages. Il faut que vous imaginiez que ce bateau, tout à l'heure on ira le voir, est aussi grand que ce bâtiment. Donc je ne connais pas de baleine qui est capable de renverser un bateau comme celui-ci. En fin de compte, on imagine beaucoup de récits. Baleine à bosse. Non, même la baleine à bosse. En plus elles sont gentilles les baleines à bosse. Oui, et en fin de compte ce sont les marins que vous entendez. Alors on va plus faire de bruit, peut-être qu'on va les entendre. Ah non, bah au moment où on arrête de parler, il ne parle plus. On avance encore un petit peu. Alors, là, il faut que vous imaginiez qu'on est en train de traverser la mer, hein. D'accord? Et là, on est passé en bateau, mais on a le kraken le plus pédéant. Voilà, le fameux kraken. On a des Alors là, justement, on a fait tous les kilomètres, on est arrivé au Canada. Tout à l'heure, nous étions dans le Perche. Dans la première salle, vous étiez dans le Perche. Après, vous avez traversé l'Atlantique sur le bateau. Vous avez eu très peur, hein, puisque du coup, vous ne savez ni nager. Et en plus de ça, il y a des monstres. Mais on n'est pas dans un vrai bateau, après on ira. Vous n'étiez pas dans un vrai bateau. Il fallait que tu imagines que tu étais sur un vrai bateau. J'ai eu peur. Et là, vous êtes arrivé au Canada. Alors, on va s'attarder surtout sur cette partie-ci, regardez. Alors, à quoi vous fait penser justement... À quoi vous fait justement penser cette construction? Dites-moi. À une maison d'Indien. Un tipi. Alors, une maison d'Indien. Est-ce que j'ai d'autres propositions? Une maison préhistorique parce que... Il y a un crâne, ouais. Il y a aussi des cornes. Oui, alors c'est un crâne, oui. Ah ouais? Là. Oui, ce sont des vrais os. Alors, d'après vous, est-ce que c'est vraiment une maison d'habitation? Est-ce que vous pensez que des gens puissent habiter dans une maison si petite? Dormir. Bah, moi, je pourrais bien. Parce que tu es une enfant, mais il faut que tu imagines. Regarde, on a des adultes qui nous accompagnent. Est-ce que tu imagines que des adultes puissent dormir sous cette petite cabane? Non. Voilà, il faut qu'ils s'accroupissent. C'est pour s'il pleut? Alors, pas du tout. Alors, je vais vous expliquer à quoi elle sert. C'est ce qu'on appelle une tente de sudation. Alors la sudation, est-ce que vous savez ce que c'est déjà? Non. C'est la sueur, d'accord? Donc c'est une tente pour suer. C'est assez étrange, mais c'est une tente pour suer. Je veux dire, pour suer. Alors c'est quand tu cours, que t'as trop chaud et que t'as des gouttes d'eau qui courent sur ton corps. C'est ce qui s'appelle la suée. Et donc les hommes, alors souvent on met les petits enfants, hein, c'est-à-dire qu'on met des enfants de 14 ans, 15 ans, des enfants de 13 ans, 14 ans, on les invite, ils rentrent à l'intérieur et on ferme la porte. Voyez-vous, on a une trappe, donc on ferme la porte. Et à l'intérieur, on met des pierres chaudes et de l'eau chaude. Et c'est ce qui va donner beaucoup, beaucoup de fumée, qui va donner beaucoup de chaleur. Et des enfants, comme des adultes, vont finir, alors c'est pas très drôle, hein, ils vont finir par s'évanouir. C'est ce que tu m'as fait, hein. Les filles, sinon on vous le confisque et on va le donner à quelqu'un qui est juste derrière. Mais elle me crie dans les oreilles. Oh non. Vas-y, tu sautes ton micro. Donc, on va rentrer à l'intérieur. On va s'évanouir. Et on va entrer en contact avec les esprits. Alors les esprits, c'est compliqué. Disons simplement que les Indiens, contrairement à nous, pensent... On va vraiment y aller? Non, on ne peut pas entrer dedans. Il est interdit d'entrer dans la cabane. Donc, les Indiens pensent qu'une pierre, qu'un arbre, pense comme un humain. C'est-à-dire qu'on respecte les arbres, c'est-à-dire qu'on ne coupe pas les arbres, chez les Indiens en tout cas, on ne coupe pas les arbres si on ne se sert pas de ces arbres. C'est-à-dire qu'on va se servir des arbres pour allumer le feu, construire les maisons, mais on ne va pas abattre les forêts si on ne se sert pas des arbres. Les Indiens ont vraiment ce respect pour la nature. Ça va être la même chose pour les animaux. Ils ne tuent les animaux que ce qu'ils vont manger. Et donc ils vont entrer ici, s'évanouir, et ils vont entrer en contact avec les esprits. C'est-à-dire qu'ils vont rentrer en contact avec les animaux, Ils vont rencontrer aussi en contact avec des personnes qui n'existent plus, hein, qui sont décédées. Donc voilà, c'est leur croyance. Donc cette cabane me permet justement de parler de ce qu'on appelle le chamanisme. Hein. C'est cette façon, en fin de compte, hein, d'aborder les esprits. Ici, vous avez une reconstitution pareille d'Amérindien. Qu'est-ce que vous voyez sur cette tenue? Dites-moi. Oui. La peau qu'ils ont utilisée, ils ont découpé la peau pour se servir, pour se réchauffer. On voit déjà la peau pour faire comme un tam-tam. Les habits, bah, c'est aussi de la peau. C'est de la peau également. Est-ce que quelqu'un d'autre a remarqué quelque chose? Quelqu'un d'autre. Ils ont déjà inventé les chaussures. Alors, ils appellent ça des mocassins. Mais oui, en effet, ce sont des chaussures. Alors là, oui, j'ai entendu parler de peau, j'ai entendu parler de fourrure. Et d'après vous, est-ce que ces vêtements sont cousus avec du fil? Non, avec de la peau. Non, c'est que de la fourrure. Alors, ce n'est pas que de la fourrure. La fourrure sert à se protéger. Ils s'habillent en peau, hein. Là, c'est ce qu'on appelle du daim. Non, on peut aussi... Mais ils couent, en fin de compte, avec du tendon. Et ils couent avec de la crinière aussi. Ils n'ont pas de fil de couture comme on utilise. On va se rapprocher un petit peu. Hop. Alors ici, vous avez une peau de grizzly. C'est une vraie peau de grizzly, hein, que vous avez ici. Vous pourrez en toucher tout à l'heure, parce que du coup, on a une peau là-bas qui est exposée. C'est ce que je vous disais, c'est comme pour la forêt, les Amérindiens respectent les animaux. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont tués, ils se servent de la viande pour manger, ils se servent des tendons, justement, pour faire... toutes les coutures qu'ils doivent faire sur leur petite cabane, bah celle-ci, c'en est pas une, mais sur leur cabane, sur leurs vêtements. Regardez ici, on voit des lanières sur le cuir. Celles-ci sont des lanières de cuir, mais normalement, on se sert de tendons. Et les fourrures vont servir à la fois pour se vêtir en hiver quand il fait trop froid. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que tout à l'heure, j'avais un manteau avec un petit peu de fourrure. Hein. On met la fourrure pour ne pas avoir froid, mais on s'en sert également pour les maisons. Puisque si vous regardez bien à l'intérieur de cette tente de sudation, vous avez également des peaux qui sont au sol. Parce que dans vos maisons, vous avez un sol dur, un peu comme celui-ci. Et bien les Amérindiens, ils étalaient des feuilles, et par-dessus ces feuilles, ils mettaient ces peaux. Ils étalaient les peaux au sol et ils dormaient sur des peaux d'animaux. Pourquoi? Alors justement, pour pouvoir se tenir chaud, le sol il reste froid, et pour se tenir chaud, ils mettent des peaux d'animaux qui les isolent du froid. Alors on avance encore un petit peu, on va aller dans la salle d'à côté.